Salutations à tous. Bonjour en ce 10 janvier 2017. C'est Maxime qui vous parle ce matin depuis les studios Cœur d'encre à l'Ange Gardien sur la côte de Beaupré. Alors aujourd'hui mardi 10 janvier, c'est le retour à l'école après le long congé des fêtes. Donc c'est le retour pour les élèves, le retour à la préparation des lunchs, à la course matinale, le retour au travail aussi pour les enseignants. Donc, on vous souhaite une belle journée ce matin et on veut la commencer ensemble dans la lecture de la Bible. Alors, on commence ce matin avec Genèse 23 et nous lirons jusqu'au chapitre 24, le verset 54. Sarah vécut 127 ans. Elle mourut à Kiriath Arba, c'est-à-dire Hébron, au pays de Canaan. Abraham célébra le deuil de sa femme et la pleura. Puis il quitta le lieu où était le corps de sa femme et alla parler aux descendants de Heth. « Je ne suis qu'un étranger, un hôte de passage parmi vous. Accordez-moi la propriété d'un tombeau chez vous pour que je puisse y enterrer ma femme. » Les descendants de Heth lui répondirent « Fais-nous l'honneur de nous écouter. » Tu es parmi nous un prince béni de Dieu. Enterre ta femme dans le meilleur de nos tombeaux. Aucun de nous ne voudra te refuser son tombeau pour l'y enterrer. Abraham se leva et s'inclina profondément devant les descendants de Heth qui habitaient cette région. Il leur dit, « Si vous acceptez vraiment que j'enterre ma femme ici, veuillez intervenir en ma faveur auprès d'Éphron, fils de Sohar, pour qu'il me cède la grotte de Macpéla, qui lui appartient et qui se trouve à l'extrémité de son champ. Qu'il me la cède à sa vraie valeur en votre présence, afin que ce tombeau soit ma propriété. » Éphron le Hittite se trouvait là au milieu de ses compatriotes. Il répondit à Abraham de manière à être entendu par tous les Hittites venus siéger à la porte de la ville. « Fais-moi l'honneur de m'écouter, dit-il. Il n'est pas question de vendre le champ et la grotte qui s'y trouvent. En présence de mes compatriotes, oui, je t'en fais cadeau. Tu peux y enterrer ta femme. » De nouveau, Abraham s'inclina profondément devant les gens de la région. Puis il s'adressa à Éphron de manière à être entendu de tous. « Je t'en prie, dit-il, écoute-moi. Je t'ai offert le prix du champ. Accepte cet argent pour que je puisse enterrer ma femme. » Éphron reprit. « Fais-moi l'honneur de m'écouter. Un terrain qui vaut 400 pièces d'argent, entre toi et moi, c'est sans importance. Enterre donc ta femme. » Abraham donna son accord à Éphron. Il lui conta la somme dont il avait parlé devant ses compatriotes, 400 pièces d'argent ayant cours chez les marchands. Dès lors, le champ d'Éphron situé à Macpéla, à l'est de Mamré, la grotte qui s'y trouve et tous les arbres situés à l'intérieur de ses limites devinrent la propriété d'Abraham. Tous les Hittites qui étaient venus à la porte de la ville en furent témoins. Après quoi, Abraham enterra sa femme, Sarah, dans la grotte du champ de Macpéla, près de Mamré, c'est-à-dire Hébron, au pays de Canaan. Le champ et la grotte qui s'y trouvent cessèrent d'appartenir aux Hittites et devinrent, avec leur accord, la propriété d'Abraham pour qu'il puisse y enterrer ses morts. Abraham était devenu très vieux. Le Seigneur l'avait béni en toutes circonstances. Un jour, Abraham dit au plus âgé de ses serviteurs, qui administrait tous ses biens, « Mets ta main sous ma cuisse et jure-moi par le Seigneur, le Dieu du ciel et de la terre, que tu ne prendras pas pour mon fils une femme de ce pays de Canaan où j'habite. Jure-moi que tu iras dans mon pays d'origine et que tu choisiras dans ma parenté une femme pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui répondit, « La femme refusera peut-être de me suivre dans ce pays-ci. Devrais-je alors ramener ton fils dans le pays que tu as quitté? » « Non, répondit Abraham, garde-toi bien de ramener mon fils là-bas. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a fait quitter la maison de mon père et mon pays d'origine. Il m'a parlé et m'a juré de donner ce pays-ci à mes descendants. Il enverra son ange devant toi pour que tu puisses ramener de là-bas une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé du serment que tu m'auras fait. mais en aucun cas ne ramène mon fils là-bas. » Le serviteur mit alors sa main sous la cuisse de son maître Abraham et lui jura d'exécuter ses ordres. Il prit 10 des chameaux de son maître et emporta tout ce que celui-ci avait de meilleur. Il se mit en route vers la ville de Nahor, en haute Mésopotamie. Arrivé près du puits qui se trouve en dehors de cette ville, il fit agenouiller les chameaux. C'était le soir, à l'heure où les femmes venaient puiser de l'eau. Il pria ainsi. « Seigneur, Dieu de mon maître Abraham, accorde-moi de faire une heureuse rencontre aujourd'hui. Manifeste ainsi ta bonté pour mon maître Abraham. Me voici près du puits, et les filles des habitants de la ville vont venir y puiser de l'eau. Je demanderai à l'une d'elles de pencher sa cruche pour que je puisse boire. Si elle me répond « Bois, et je vais faire boire aussi tes chameaux », je saurai que c'est elle que tu destines à ton serviteur Isaac. De cette manière, je reconnaîtrai que tu as agi avec bonté pour mon maître. » Avant qu'il ait fini de parler, arriva Rebecca, fille de Bethuel, lui-même fils de Milca et de Nahor, le frère d'Abraham. Elle portait sa cruche sur l'épaule. C'était une ravissante jeune fille. Elle était vierge. Elle descendit au puits, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur d'Abraham courut à sa rencontre et lui dit « Laisse-moi, s'il te plaît, boire un peu d'eau de ta cruche. »« Je t'en prie, » répondit-elle, « bois. » Vite, elle fit descendre sa cruche sur son bras et lui donna à boire. Quand elle eut fini, elle reprit « Je vais aussi puiser de l'eau pour les chameaux jusqu'à ce qu'ils aient tous bu. » Elle vida rapidement sa cruche dans l'abreuvoir, puis elle courut de nouveau chercher de l'eau. Elle en puisa pour tous les chameaux. L'homme l'observait en silence, se demandant si le Seigneur avait ou non fait réussir son voyage. Lorsque les chameaux eurent fini de boire, l'homme donna à la jeune fille un anneau d'or pesant environ 6 grammes ainsi que 2 bracelets d'or pesant chacun plus de 100 grammes. Il lui demanda « De qui es-tu la fille? Dis-le-moi s'il te plaît. Y a-t-il assez de place chez ton père pour me loger cette nuit avec ceux qui m'accompagnent? » Elle lui répondit « Je suis la fille de Bethuel et la petite fille de Milca et de Nahor. Il y a chez nous, ajouta-t-elle, de la paille et du fourrage en quantité, ainsi que de la place pour vous loger. » L'homme remercia le Seigneur en s'inclinant jusqu'à terre. Il dit « Merci au Seigneur, le Dieu de mon maître Abraham, qui a manifesté une si réelle bonté envers mon maître. Durant ce voyage, le Seigneur m'a conduit directement chez des parents de mon maître. » La jeune fille courut alors pour annoncer cette nouvelle chez sa mère. Or, Rebecca avait un frère nommé Laban. Laban sortit en hâte pour rejoindre l'homme près du puits. Il avait aperçu l'anneau et les bracelets au bras de sa sœur, et il l'avait entendu raconter ce que l'homme lui avait dit. Il trouva l'homme avec ses chameaux près du puits. « Viens chez nous, lui dit-il, toi que le Seigneur a béni. Pourquoi restes-tu dehors? J'ai moi-même préparé la maison et emménagé une place pour tes chameaux. » Le serviteur d'Abraham vint donc chez Laban. On déchargea les chameaux et on leur donna de la paille et du fourrage. On apporta aussi de l'eau pour que le serviteur et les hommes qui l'accompagnaient puissent se laver les pieds. On lui présenta de la nourriture, mais il déclara « Je ne mangerai pas avant d'avoir dit ce que j'ai à dire. » « Eh bien, parle, » lui dit Laban. « Je suis un serviteur d'Abraham, » dit l'homme. « Le Seigneur a comblé mon maître de bénédictions. Celui-ci est devenu très riche, car le Seigneur lui a accordé des moutons, des chèvres et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs, des servantes, des chameaux et des ânes. Sa femme Sarah, malgré son âge, lui a donné un fils à qui il a transmis tout ce qui lui appartenait. Mon maître m'a fait jurer de ne pas prendre pour son fils une femme du pays de Canaan où il habite. Il m'a dit « Jure-moi d'aller dans la famille de mon père, dans mon clan, afin d'y prendre une femme pour mon fils. » Alors je lui ai demandé « Et si la femme refuse de me suivre ?» Il m'a répondu « Le Seigneur devant qui j'ai toujours vécu enverra son ange avec toi, Il fera réussir ton entreprise et tu ramèneras pour mon fils une femme de mon clan, de la famille de mon père. Du moment que tu seras allé dans mon clan, même si tu n'obtiens rien, tu seras dégagé de ton serment, préservé de ma malédiction. » En arrivant aujourd'hui près du puits, j'ai fait cette prière. « Seigneur, Dieu de mon maître Abraham, veuille faire réussir le voyage que j'ai entrepris. Maintenant que je suis près de ce puits, je vais demander à une jeune fille qui viendra y puiser de me faire boire un peu d'eau de sa cruche. Si elle me répond « Bois, je t'en prie, et je vais aussi puiser pour tes chameaux », je saurai quelle est la femme que tu destines au fils de mon maître. » Avant que j'aie fini de parler en moi-même, Rebecca est arrivée, la cruche sur l'épaule. Elle est descendue au puits et elle a puisé de l'eau. Je lui ai demandé « Donne-moi à boire, s'il te plaît. » Elle a rapidement descendu sa cruche de son épaule et m'a dit « Bois, après quoi je ferai boire aussi tes chameaux. » J'ai bu et elle a fait boire les chameaux. Quand je lui ai demandé de qui elle était la fille, elle m'a répondu « Je suis la fille de Bethuel et la petite fille de Nahor et de Milka. » J'ai alors mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses poignets. Je me suis inclinée profondément pour adorer le Seigneur, le Dieu de mon maître Abraham. Je l'ai remercié de m'avoir conduit sans incident chez la petite nièce de mon maître. Je pourrai ainsi la ramener au fils de mon maître. Maintenant, dites-moi si vous êtes disposé à agir avec bienveillance et fidélité envers mon maître. Sinon, je m'en irai ailleurs. » Laban et Bethuel répondirent, « C'est le Seigneur qui a dirigé ces événements. Nous n'avons pas à en discuter. Rebecca est là, devant toi. Emmène-la avec toi. Qu'elle devienne la femme du fils de ton maître, comme le Seigneur l'a dit. » Quand le serviteur d'Abraham entendit ces paroles, il remercia le Seigneur en s'inclinant jusqu'à terre. Ensuite, il sortit de ses bagages des bijoux d'argent et d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il offrit aussi de riches présents aux frères et à la mère de la jeune fille. Le serviteur d'Abraham et les hommes qui l'accompagnaient mangèrent et burent, puis ils allèrent se coucher. Nous continuons maintenant, toujours dans la version français courant ce matin, avec la lecture du psaume 9, les versets 14 à 21. Accorde-moi ton appui, Seigneur. Considère la misère que j'endure par la faute de ceux qui m'en veulent, toi qui m'arraches aux griffes de la mort. Alors je répéterai tous les motifs que j'ai de te louer. Dans la communauté de Sion, je crierai ma joie de t'avoir comme sauveur. Les païens sont tombés dans la fosse qu'ils avaient creusée. Ils se sont pris les pieds au filet qu'ils avaient tendu en cachette. Le Seigneur a montré qui il était. Il a rendu la justice. Il prend les fidèles à son propre piège. Que les infidèles retournent au monde des morts, ces païens oublient tout ce qui est Dieu. Mais Dieu n'oubliera jamais le malheureux. L'espoir n'est jamais perdu pour les pauvres. Interviens, Seigneur. Que l'homme ne soit pas le plus fort. Traîne les barbares devant ton tribunal. Seigneur, fais leur peur. Qu'ils le sachent, ces barbares, ils ne sont que des hommes. Poursuivons avec Proverbe 2, les versets 16 à 19. De cette manière, tu éviteras d'être séduit par une femme qui n'est pas la tienne. Une étrangère aux paroles flatteuses qui a abandonné son premier compagnon et oublié l'alliance conclue avec son Dieu. Son comportement la fait sombrer vers la mort, sa conduite l'entraîne chez ceux qui ne sont plus. Celui qui va chez elle n'en revient pas, il ne retrouve pas le chemin de la vie. Et on termine la lecture avec la lecture du Nouveau Testament, donc dans Marc 7, les versets 1 à 23. Les pharisiens et quelques maîtres de la loi venus de Jérusalem s'assemblèrent autour de Jésus. Ils remarquèrent que certains de ses disciples prenaient leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire sans les avoir lavés selon la coutume. En effet, les pharisiens et tous les autres juifs respectent les règles transmises par leurs ancêtres. Ils ne mangent pas sans s'être lavé les mains, avec soin, et quand ils reviennent du marché, ils ne mangent pas avant de s'être purifiés. Ils respectent beaucoup d'autres règles traditionnelles, telles que la bonne manière de laver les coupes, les pots, les marmites de cuivre et les lits. Les pharisiens et les maîtres de la loi demandèrent donc à Jésus: « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas les règles transmises par nos ancêtres, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? » Jésus leur répondit: « Ésaïe avait bien raison lorsqu'il prophétisait à votre sujet. Vous êtes des hypocrites, ainsi qu'il l'écrivait. Ce peuple, dit Dieu, m'honore en parole, mais de cœur, il est loin de moi. Le culte que ces gens me rendent est sans valeur, car les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des prescriptions humaines. Vous laissez de côté les commandements de Dieu, dit Jésus, pour respecter les règles transmises par les hommes. » Puis il ajouta: « Vous savez fort bien rejeter le commandement de Dieu pour vous en tenir à votre propre tradition. » Moïse a dit en effet: « Respecte ton père et ta mère, et aussi, celui qui maudit son père ou sa mère doit être mis à mort. » Mais vous, vous enseignez que si un homme déclare à son père ou à sa mère: « Ce que je pourrais te donner pour t'aider est corban, c'est-à-dire offrande réservée à Dieu », il n'a plus besoin de rien faire pour son père ou sa mère. Vous le lui permettez. De cette façon, vous annulez l'exigence de la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » Puis Jésus appela de nouveau la foule et dit: « Écoutez-moi, vous tous, et comprenez ceci. Rien de ce qui entre du dehors en l'homme ne peut le rendre impur, mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. Écoutez bien si vous avez des oreilles pour entendre. » Quand Jésus eut quitté la foule et fut rentré à la maison, ses disciples lui demandèrent le sens de cette image. Et il leur dit: « Êtes-vous donc vous aussi sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui entre du dehors en l'homme ne peut le rendre impur, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre et sort ensuite de son corps? » Par ces paroles, Jésus déclarait donc que tous les aliments peuvent être mangés, et il dit encore: « C'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur, car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que viennent les mauvaises pensées qui le poussent à vivre dans l'immoralité, à voler, tuer, commettre l'adultère, vouloir ce qui est aux autres, agir méchamment, tromper, vivre dans le désordre, être jaloux, dire du mal des autres, être orgueilleux et insensé. Toutes ces mauvaises choses sortent du dedans de l'homme et le rendent impur. » Prions maintenant. Seigneur Dieu, Père éternel, toi qui es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, celui qui est, qui était et qui vient. Seigneur, tu es un Dieu qui agit avec bienveillance, qui prend soin de tes enfants, qui mène à bien tes plans. On veut te louer ce matin, Seigneur, te rendre la gloire qui t'est due, la place qui te revient. Et Père éternel, on veut s'humilier devant toi, nous qui ne sommes que des hommes. Seigneur, on ne peut que reconnaître que notre cœur est loin de toi. C'est de l'intérieur de notre cœur que viennent toutes les pensées impures. On l'a lu ce matin, Seigneur, dans Marc 7, on a une liste de tous ces péchés, toutes ces choses mauvaises qui viennent de notre cœur, Seigneur. Le fait d'agir méchamment, de tromper, la jalousie, l'orgueil. Seigneur, nos cœurs sont orgueilleux. Nos cœurs veulent ce qui est aux autres. Oui, Seigneur, nos cœurs sont tellement loin de toi. On serait tellement perdus et désespéré, Seigneur, sans toi. Mais quelle joie de t'avoir comme sauveur. Merci, Jésus, d'être venu, puis d'avoir payé à notre place pour nos cœurs qui sont si sales. Oui, on a tellement de motifs pour te louer, Seigneur, et on veut vraiment être reconnaissant et te dire merci ce matin. Merci parce que tu laves nos cœurs. Seigneur Dieu, on veut te prier que tu attires nos cœurs à toi, que tu nous gardes toujours plus proches de toi. Et on te prie, bon Père, de manifester ta bonté envers nous encore aujourd'hui, de nous sanctifier, de nous travailler, de nous modeler comme des vases d'argile. Transforme-nous à ton image, toujours plus. On veut te remettre nos vies et te demander encore, Seigneur, que tu puisses être glorifié à travers nos actes, nos paroles, à travers nos vies aujourd'hui. C'est dans le nom précieux de Jésus qu'on te prie ce matin ensemble. Amen.